N'oubliez pas les enfants, l'émission où les adultes s'amusent comme nous. Bonjour chers auditeurs, nous appelons Louis et Vladim. Bienvenue dans notre émission. N'oubliez pas les enfants. Nos reporters vont vous présenter plusieurs thèmes. Comme le sport, les jeux vidéo, les livres, les jeux. Nous rejoignons nos reporters sur le terrain. Que faites-vous en dehors de l'école ? Je joue au karaoké parce que j'aime bien chanter. Je joue au Lego parce que j'aime bien construire. Je joue aux cartes Pokémon et j'en refais la collection. Tu conseillerais quel jeu de société et pourquoi ? Je conseillerais le Uno parce que j'aime les calculs. Je conseillerais le Cortex parce que ça fait réfléchir. Je conseillerais le Milbound parce qu'on peut jouer en famille et qu'on s'amuse. Qui est le plus fort entre Messi et Ronaldo ? Quand tu es sur le terrain de foot, tu penses à qui ? Je pense à Messi, car son style de jeu est très intéressant. Il dribble mieux que tous les autres joueurs. Le style de jeu de Ronaldo est trop classique. Quand je suis sur le terrain de basket, je copie LeBron James parce que sa façon de dribbler est très délicate. Même si je m'entraîne, je ne serai jamais à sa hauteur. Tu préfères le pop ou la K-pop ? Quel est ton style de danse préféré ? Mon style de danse préféré est la K-pop car j'adore leur musique, leur chorégraphie. Et mon groupe préféré est Blackpink. Nous nous retrouvons après une courte pub. Je viens de déménager, mais je n'ai pas de meubles à adopter. Heureusement qu'IKEA existe. Je voudrais un canapé et un lit douillet. Et hop, c'est commandé. Acheter chez IKEA, c'est fait pour ça. IKEA, ah ah. Nous revoilà, nous enchaînons après une deuxième pub. J'ai envie d'un papy toilette, mais je veux qu'il soit debout. Où puis-je aller ? Aller à la supérette pour acheter du papy toilette. Qui sent la violette ? PQQQ, le meilleur des papiers toilettes. Ah, j'adore. Nous rejoignons nos reporters sur le terrain. Nous voici dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais interroger quelques personnes sur la vie des jeux vidéo. Quel est ton jeu vidéo préféré, Lucas ? Fortnite. Et toi, Nock ? Moi, c'est Roblox. Et vous, Mila ? Mario Bros. Wonder. Qu'en pensez-vous des jeux vidéo ? C'est très intéressant. Et vous ? Moi, je trouve que c'est très intéressant et très sympathique. Et vous ? Moi, je trouve que c'est très culturel. On peut jouer les jours de plus, c'est très sympa. Êtes-vous influenceur et pourquoi ? Non, car je n'ai pas le droit de regarder les réseaux. Et vous, Mila, êtes-vous influenceuse et pourquoi ? Non, parce que je n'ai pas le droit de regarder les réseaux. Anna, êtes-vous influenceuse et pourquoi ? Non, parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mademoiselle Amira, faites-vous des activités artistiques ? Oui, car j'aime bien l'art plastique, j'aime bien dessiner, j'aime bien la peinture, ça me déstresse, j'aime bien prendre un crayon à la main car ça me déstresse. Et voilà. Monsieur Mathieu, faites-vous des activités artistiques ? Non, car je ne trouve pas d'inspiration, du coup je m'ennuie. Mademoiselle Chloé, faites-vous des activités artistiques ? Oui, je fais du violon, donc de la musique. Donc du coup, je prends des cours tous les mercredis. Et j'essaye un peu le piano, mais c'est pas encore au point. Mademoiselle Amira, avez-vous une culture particulière ? Oui, je suis arabe, algérienne et libanaise. Y a le ramadan, ça prend 30 jours sans manger. À partir de 20h, on peut manger. On a des cadeaux tous les 30 jours si on fait le ramadan. Monsieur Mathieu, avez-vous une culture particulière ? Non, car mes parents sont français et un peu italiens, mais je ne comprends rien à cette langue. Mademoiselle Chloé, avez-vous une culture particulière ? Oui, je suis un tout petit peu chinoise, donc ma grand-mère est chinoise. Ma mère a un peu plus que moi, mais un petit peu moins que ma grand-mère. Et donc du coup, j'aime bien la cuisine, mais c'est difficile à faire. Mademoiselle Amira, parlez-vous une ou des langues étrangères ? Oui, je parle de l'Algérie et du Liban. J'aime bien ça, car j'aime bien la cuisine, j'aime bien parler d'une langue étrangère. Monsieur Mathieu, parlez-vous une ou des langues étrangères ? Non, je ne parle seulement français, mais j'aime bien l'italien. Sauf que je ne sais pas pratiquer cette langue. Mademoiselle Chloé, parlez-vous une des langues étrangères ? Je parle un peu anglais car ma nounou est anglais, enfin philippine, mais du coup on parle anglais avec elle. Et je parle un peu chinois et je prends des cours tous les mercredis. Très bien. Écoutez l'émission. Merci à nos équipes et à nos reporters. N'oubliez pas les enfants, l'émission où les adultes s'amusent comme nous.